بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نكتنيو إن شاء الله تعالى l'explication de Riyad al-Salihin del Hafiz al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, en se basant sur l'explication de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et nous sommes dans le chapitre concernant At-Tawbah, Bab al-Tawbah, le chapitre concernant le repentir. Nous avons expliqué l'introduction faite par Al-Hafidh al-Nawawi, puis les premiers ahadiths qu'il a mentionnés. Et nous continuons, Inch'Allah ta'ala. وعن أبي حمزة أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. Et donc il continue avec un hadith rapporté par Abu Hamza Anas ibn Malik al-Ansari, le célèbre compagnon Anas ibn Malik, qui avait comme kunya Abu Hamza Al-Ansari, yani un des Ansar, et qui est appelé Khadimu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est heureux ou est plus heureux du repentir d'un de ses serviteurs, donc il est plus heureux qu'un d'entre vous qui perd sa monture, et qui est égaré dans une terre, dans le désert vaste où il n'y a rien. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans une version de Muslim, il y a plus de précision, où il dit: Allah est plus heureux du repentir d'un de ses serviteurs lorsque celui-ci se repent, que un d'entre vous qui a perdu sa monture dans un désert vaste. Elle s'est sauvée. Sa monture s'est sauvée, et sur sa monture il y avait quoi? Sa nourriture, sa boisson. Alors il a perdu l'espoir de la retrouver. Alors il s'est rendu sous un arbre et s'est couché sous l'ombre de l'arbre. Et il a perdu donc l'espoir de retrouver sa monture. Et lorsqu'il était dans cette situation, il voit quoi? Il voit sa monture qui est revenue. Alors il l'a pris par la corde qui tient la monture. Et tellement qu'il était heureux, il a dit: Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. On va expliquer ça en détail, bien sûr. Hein, il s'est trompé tellement qu'il était heureux. On va expliquer donc ce hadith. قوله رحمه الله تعالى خادم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن أنس رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا أنس بن مالك يخدمك فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. Donc lorsqu'il dit ici, hein, en parlant de Anas, le serviteur ou le servant plutôt du messager d'Allah, hein, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, hein, lorsqu'il a fait sa hijra, sa mère Anas est partie voir le prophète et sa mère s'appelait Sulaym, radiallahu anha. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a apporté Anas, qui était un jeune garçon de 10 ans. Elle lui a dit, celui-ci est Anas ibn Malik. Il va te servir. Il sera à ton service. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté et il est devenu, Anas est devenu un des servants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ذكر أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه يعني من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها وذكر القصة يعني رجل كان في أرض فلاه ليس حوله أحد لا ماء ولا طعام ولا أناس ضل بعيره وبعيره أي ضاع فجعل يطلبه فلم يجده فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت وقد أيس من بعيره وأيس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد علق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها فبأي شيء يقدر هذا الفرح هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال لأنه فرح عظيم فرح بالحياة بعد الموت ولهذا أخذ بالخطام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أراد أن يثني على الله فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن من شدة فرحه أخطأ فقلب القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Donc ici, hein, Anas nous mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, Allah est plus heureux du repentir d'un de ses serviteurs que, hein, cet homme qui a perdu, hein, sa monture, hein, qui s'est égaré ou que sa monture s'est égarée. Et il a mentionné l'histoire, hein, un homme qui était dans un vaste désert, hein. Je sais pas si vous avez déjà été dans le vrai désert, hein, il y a rien. Il n'y a rien autour de lui. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a aucune personne. Et sa monture s'est égarée. Est partie. Alors il la recherche. Mais il ne la trouve pas. Alors il est parti sous un arbre. Et a dormi sous cet arbre. Et il attend quoi? Il attend la mort. Il n'y a rien. Il est dans un désert. Tu peux marcher. Tu vas mourir de chaud. Alors il est sous l'ombre de l'arbre. Et il attend la mort. Il a perdu espoir dans le fait de retrouver sa monture. Et il a perdu l'espoir dans le fait de vivre. Il n'a pas sa nourriture, il n'a pas sa boisson, hein, il n'y a rien et sa monture, hein, est partie. Donc quand il est dans cette situation, hein, alors qu'il est dans cette situation de désespoir, de détresse, il voit que son chameau est attaché, hein, à l'arbre sous lequel il dormait. Comment peut-on mesurer la joie et le bonheur de cette personne. Il nous dit, cette joie et ce bonheur, c'est impossible qu'on la comprenne. Il est impossible qu'on la comprenne, excepté si on a vécu la même situation. Mais là, on ne peut pas dire, ouais, il est content, alhamdoulilah. On ne peut pas s'imaginer. Hein? On ne peut pas s'imaginer la joie que tu dois rencontrer quand tu es dans cette situation. Hein? Tu es là, tu es au bord, tu es aux portes de la mort. Ça y est, tu vas mourir, tu penses à ta famille. Hein? Et là, boum, tu vois ta monture avec la nourriture et la boisson, etc. Une joie, yani, incomparable. Pourquoi ? Parce qu'il a la joie de vivre après avoir cru qu'il allait mourir. C'est pour ça qu'il a pris les rênes de la monture et il a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il voulait faire les éloges d'Allah et il voulait dire « Oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. » Mais tellement qu'il était heureux, il s'est trompé, il a inversé. Et il a dit « Oh Allah, je suis ton Seigneur, tu es mon serviteur. » Ce qui nous prouve la joie extraordinaire qu'il a eue. Donc, cette personne, sa joie extraordinaire, Allah est encore plus heureux. Allah est encore plus heureux quand un serviteur se repent que cet homme-là. Alors que cet homme, il a goûté un bonheur et une joie, et il a été heureux, incomparable avec nous autres créatures sur cette terre. Allah est encore plus heureux que lui. في هذا الحديث من الفوائد دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غني عنا ولكن لمحبته سبحانه للكرم فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يغفر وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ ولهذا يفرح بتوبة الإنسان. Et donc parmi les enseignements qu'on retire de ce hadith, et les enseignements sont nombreux mes frères, il y a une preuve que de la joie ou du bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant le repentir de son serviteur lorsqu'il se repent vers lui. Et Allah aime cela d'un amour extraordinaire. Cependant, il n'aime pas cela parce qu'il a besoin de nos œuvres, il a besoin de notre repentir. Jamais. Allah est totalement... Il n'a nullement besoin de nous. Il est totalement indépendant de nous, subhanahu wa ta'ala. Cependant, son amour pour la bonté, pour la générosité, yani Allah aime pardonner. Allah aime effacer les péchés. Allah aime pardonner. Et donc, Allah préfère cela que plutôt se venger. Ou blâmer ses serviteurs. C'est pour ça donc qu'Allah aime le repentir des êtres humains. ففي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة العبد. Donc dans ce hadith, il y a une exhortation où il y a Allah yani, nous pousse, ou plutôt dans le hadith, nous pousse ou nous... J'ai oublié le mot français, subhanallah. Une motivation. Motivation, nous motive à se repentir. Il y a un autre mot français, subhanallah, dans ma tête, il y a, mais j'ai oublié. Exhortation, dans le même sens. Hafun. Al-haf, yani. Al-Hafani, j'ai oublié, subhanallah, la traduction en français, il est là sur le bout de ma langue, mais... Qaddarallah. Nya, nous enjoint, mais il y a un mot en français, subhanallah, nous exhorte, là, j'ai oublié. Al-Muhim, c'est pas, vous avez compris le sens. Car Allah, subhanallah, il aime le repentir. Alors que le repentir, c'est pour l'intérêt du serviteur. C'est pour l'intérêt du serviteur et non pour l'intérêt d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وفيه كذلك إثبات الفرح إثبات الفرح لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فرح يليق بعظمته وجلاله وَلَا يُشْبِهُ فَرْحَ الْمَخْلُقِينَ. Et aussi dans ce hadith, mes frères, il y a l'affirmation de la joie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah a la joie, a le bonheur. Tout comme Allah se met en colère, comme on l'a vu. Tout comme Allah déteste. Tout comme Allah aime. Mais bien sûr, tous ces attributs, toutes ces caractéristiques ne sont pas comme nos attributs à nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Donc la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est une joie qui sied à sa majesté et à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Et il n'est nullement semblable à la joie des créatures. Et ça, on l'a parlé plusieurs fois, à chaque fois dans les cours, on le rappelle. Hein, et on ne cessera de le rappeler, mes frères, parce que c'est une chose très importante concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même dans le Coran, ou que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour son Seigneur, sans faire de ressemblance, sans changer le sens, sans renier et sans dire comment. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Donc Allah... et son messager ici dans ce hadith dit que Allah est heureux, Allah a la joie, donc on affirme cela. Est-ce que c'est la même joie que nous? Jamais. Est-ce qu'on dit ici al-farah, ça veut dire ça ou ça veut dire non? Al-farah, c'est connu, la joie, c'est connu ce que ça veut dire. Est-ce qu'on le renie? Non. Est-ce qu'on change le sens? Non. Est-ce qu'on dit comment est la joie d'Allah? Non. Je pense que ça s'est compris, alhamdoulilah, on le répète constamment, mashallah. وفيه كذلك دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به. Il y a également dans ce hadith, mes frères, une preuve que si la personne se trompe dans une de ses paroles, et même si c'est de la mécréance, du kouf, et que sa langue a fourché, comme on dit en français, alors il n'est pas blâmé pour cela. فَهَذَا الرَّجُلْ قَالَ كَلِمَةَ كُفْرَ لِأَنَّ قَوْلَ الْإِنسَانِ لِرَبِّهِ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ هَذَا كُفْرَ لَا شَكْ لَكِنْ لَمَّا صَدَرَ عَنْ خَطَئِي أن خطأ من شدة الفرح أخطأ ولم يعرف أن يتكلم صار غير مؤاخذ به فإذا أخطأ الإنسان في كلمة كفر فإنه لا يؤاخذ بها وكذلك غيرها من الكلمات لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد فكل هذا لا يترتب عليه شيء لأن الإنسان لم يقصده فهو كاللغو في اليمين وقد قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Et donc ici il nous dit le cheikh: cet homme a dit une parole de mécréance. Car si un homme dit à son Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur, il n'y a pas de doute que ça c'est de la mécréance. Cependant, cette erreur a été dite à cause de la grande joie qu'il a ressenti. Et donc il s'est trompé, il ne savait pas ce qu'il disait. Et donc il n'a pas été blâmé pour cela. Parce que la personne, si elle se trompe dans une parole, que ce soit une parole de kufr ou autre, hein, alors il n'est pas blâmé pour celle-ci. Par exemple, si il insulte une personne de manière erronée, par erreur, sans le vouloir, ou alors s'il divorce sa femme par erreur, sans le vouloir, hein, il parle avec sa femme, il veut dire un mot, au lieu de dire ce qu'il veut dire, il dit « intaliq », c'est trompé. Est-ce que le divorce est effectif ? Non, bien sûr, parce qu'il s'est trompé. Il s'est trompé et il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas, c'était pas son intention. Ou également, si il veut affranchir un de ses esclaves, il se trompe, il ne l'a pas voulu, hein, il s'est trompé. Donc tout ceci, il n'y a aucun jugement qui en découle. C'est une erreur. C'est une erreur et la personne ne l'a pas voulu. Hein. C'est comme la parole lorsqu'on trompe, quand on fait un serment. On fait un serment et on se trompe dans sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il ne vous blâme pas, ou Allah ne vous blâme pas, si vous dites la parole dans vos serments, hein, de manière erronée. Mais cependant, Allah vous blâme parce que vos cœurs ont obtenu. بخلاف المستأذي فإن المستأذي يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا لقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهز فلذلك كان كافرا بخلاف الإنسان الذي لم يقصده فإنه لا يعتبر قوله شيئا فلا يعتبر قوله شيئا. Au contraire, à l'opposé de qui ? De celui qui se moque. De celui qui se moque. Car celui qui se moque, hein, il devient mécréant s'il a dit une parole de mécréance. Pourquoi ? Hein, parce qu'il s'est moqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, dans le Coran, au sens approché, hein, si tu leur demandes, ils diront non, nous faisons que bavarder, que s'amuser. Hein, lorsqu'ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons lors d'une des batailles. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les versets sur eux. Il a dit, et si tu leur demandes, ils vont te dire, certes, nous faisons que bavarder, que s'amuser. Hein, est-ce que envers Allah ou envers ses versets ou envers son messager, vous vous moquez ? Vous ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Donc ici, il y a une preuve claire que la moquerie fait sortir de l'islam. Quelqu'un qui se moque, hein, d'une chose de l'islam, qui se moque d'une législation de l'islam, qui se moque du prophète, qui se moque des versets, qui se moque du Coran, il sort de l'islam. Celui qui se moque, par exemple, hein, du Coran, celui qui se moque, hein, de la barbe pour les hommes, celui qui se moque de l'habit légiféré pour les femmes, hein, celui qui se moque du siwak, tout ça fait partie de la législation de l'islam. Et celui qui se moque de la législation de l'islam sort de l'islam, comme, hein, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans ce verset. Car celui qui se moque, il a l'intention de ce qu'il dit. Il le dit avec intention, na'am. Il veut dire ce qu'il dit. Il le dit par moquerie, par amusement. Au contraire, et donc il devient mécréant par cela. Au contraire de celui qui se trompe. Lui, il ne veut pas le dire, il n'a pas l'intention de le dire, mais il se trompe. Donc s'il se trompe, sa parole n'est pas prise en compte. Mais celui qui se moque, il le fait de façon volontaire. Donc il sort de l'islam par cette moquerie. C'est très dangereux, mes frères, faites attention. Parce que beaucoup sont négligents. Hein, des fois, ils envoient des messages hein, sur les réseaux sociaux. Hein, mettant des sœurs en jilbab et ils se moquent d'elles en leur donnant des noms, Batman ou je ne sais quoi. Ils se moquent des frères avec la barbe, hein, les implants des singes ou je ne sais quoi. Ils se moquent du siwak ou de la jay, ils se moquent hein, de quelque chose de la religion. Ils se moquent du muadzin, par exemple. Ils se moquent des mosquées ou ils se moquent des versets du Coran. Hein. Ils inventent des sourates, ils disent ça, c'est sourate. Hein. Ils donnent des noms à des nouvelles sourates, etc. C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Et les gens ont minimisé ce danger. Et l'ont répandu, subhanallah. Hein, des fois, tu vois des gens, ils font des vidéos sur les réseaux sociaux. Hein, ils font exprès de prier. Hein, ils font exprès de prier, ils prient pas en vrai. Ils font exprès de prier, et un gars, il arrive, il lui met une claque, ou là, il le frappe, il rigole. Hein. Il se moque de la prière, subhanallah. Et on a peur pour eux, on a peur que par ces actes-là, ils sortent de l'islam. Il doit faire très attention, les gens doivent faire très attention. Et ça, on a un devoir, mes frères, envers nos proches, envers nos familles, envers nos voisins, hein, de les sensibiliser sur ce sujet. Si on voit quelqu'un qui se moque hein, d'un aspect de la religion, lui dire « Attention, c'est très grave. Ne minimise pas cet acte. Ne minimise pas cette parole. Ceci est très grave. » Et subhanallah, je suis sûr qu'on est tous confrontés à cela. Hein, maintenant avec les réseaux sociaux, subhanallah, hein, les gens transfèrent tout et n'importe quoi. Et tu vois des blagues, tu vois des moqueries sur la religion. A'oudhu billah. Et avec ça, hein, le shir a terminé l'explication hein, de ce hadith. Ensuite, il continue, il dit « Wa an Abi Musa Abdillah ibn Qays al-Ash'ari » رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Ensuite ici il mentionne trois ahadith qui sont proches dans le sens. Le hadith d'Abu Moussa, hein, qui avait pour prénom Abdullah ibn Qays, hein, mais il était plus connu sous sa kunya Abu Moussa al-Ash'ari, hein, qui venait du Yémen, radiyallahu anhu. Il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et certes, Allah tend sa main la nuit afin d'accepter le repentir de celui hein, qui a fauté durant la journée. Et il tend sa main durant la journée pour accepter le repentir de celui qui a fauté durant la nuit, jusqu'à que le soleil se lève hein, à l'occident, à l'ouest, comme l'a rapporté l'imam muslim. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se repent avant que le soleil se lève à l'ouest, Allah accepte son repentir, rapporté par Muslim. Et selon Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, hein, il mentionne que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et certes, Allah accepte le repentir du serviteur hein, tant qu'il n'est pas hein, aux affres de la mort. Hein. » Et on va expliquer tout ça, Inch'Allah. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Al-Tirmidhi a dit hein, que le hadith est bon, est jugé bon, est une bonne chaîne de transmission. Hein, et Shir al-Bani, rahimahullah ta'ala, a mentionné la même chose, que le hadith est jugé bon. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بالتوبة. Donc ces trois hadiths que l'auteur a mentionnés hein, sont tous en rapport avec quoi? At-tawba. Hein, parce qu'on est dans quoi? Babu tawba. Hein, le repentir. Ama hadith. Ama أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا من كرمه عز وجل أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت فإذا أذنب الإنسان ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته بل إنه تعالى يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن. Donc dans le premier hadith d'Abu Moussa, hein, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que Allah azza wa jal tend sa main la nuit hein, pour accepter le repentir de celui qui a fauté durant la journée. Et il tend sa main la journée pour accepter le repentir de celui qui a fauté durant la nuit jusqu'à que le soleil se lève à l'ouest. Et donc de ceci, il y a bien sûr la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait hein, qu'il accepte le repentir. Hein, même si hein, même si elle est retard, il est retardé le repentir hein, car si la personne fait un péché durant la journée, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir même s'il se repent la nuit. Et également si il fait un péché durant la nuit, Allah accepte son repentir dans la journée. Et même Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il tend sa main hein, afin d'accepter le repentir hein, que son serviteur croyant a fait. وفي هذا الحديث دليل على محبة الله سبحانه وتعالى للتوبة. وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من أشد فرحا من هذا براحلته. Dans ce hadith, on retire hein, comme enseignement, mes frères, la preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le repentir. Et comme on l'a vu dans le hadith précédent, hein, dans l'histoire de cet homme qui a perdu, hein, dont sa monture a été égarée, hein, et jusqu'à qu'il l'a trouvée, hein, Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux du repentir hein, du serviteur croyant que cet homme-là. ومن فوائد حديث أبي موسى إثبات أن الله تعالى له يد وهو كذلك بل له يدان جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتتان لله سبحانه وتعالى ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا لأن الله يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله عز وجل لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل. Également dans ce hadith, mes frères, on a comme enseignement le fait que nous affirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala hein, qu'il a Allah Azza wa Jal, hein, une main, même il a deux mains, subhanahu wa ta'ala, comme Allah Azza wa Jal lui-même a mentionné dans son livre, dans le Coran, au sens approché, et les juifs ont dit que la main d'Allah est fermée, hein, alors que ce que leur main à eux soit fermée, et qu'ils ont la malédiction sur eux, pour ce qu'ils disent, hein, mais plutôt les deux mains, ces deux mains, les deux mains d'Allah sont grandes ouvertes. Hein? Et donc ces deux mains nous les affirmons hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé pour lui-même hein? Donc il nous est obligatoire de croire à ces deux mains et nous affirmons que Allah a deux mains, mais bien sûr hein, ces deux mains, hein, on ne doit pas se faire tromper. Elles ne sont pas comme nos deux mains à nous. Jamais. Car Allah dit, il n'y a rien, au sens approché, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et ceci, à chaque fois qu'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, hein, tu dois faire ainsi, tu dois affirmer ce que Allah s'affirme pour lui-même. Hein, et tu ne dois pas faire de ressemblance avec les créatures. Jamais. Hein, car il n'y a rien qui ressemble à Allah. Ni dans son entité, ni dans ses attributs subhanahu wa ta'ala. Donc comme on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, c'est pareil pour les deux mains d'Allah. Allah dit qu'il a deux mains. Nous disons qu'il a deux mains. Hein? Et nous disons hein, que ces deux mains-là ne ressemblent nullement aux mains des créatures. Et nous ne renions pas le fait qu'Allah a deux mains. Et nous ne disons pas que les deux mains, ça veut dire la puissance, ça veut dire le bienfait. Non. On affirme pour Allah qu'il a deux mains. Comment sont ces deux mains? Allahu a'lam, on ne sait pas. Allah ne nous a pas informés. Juste, il nous a dit qu'il avait deux mains. On affirme que Allah il a deux mains. C'est tout. On ne va pas plus loin. وفي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد وإن تأخرت لكن المبادرة بالتوبة هي الواجب لأن الإنسان لا يدري فقد يفجهه الموت فيموت قبل أن يتوب فالواجب المبادرة لكن مع ذلك لو تأخرت Et dans ce hadith également, mes frères, il y a comme enseignement le fait que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir du serviteur même si hein, elle est retardée, ou même si son repentir est retardé, pardon. Hein. Mais cependant, hein, il est obligatoire qu'on se hâte, qu'on se dépêche à se repentir. Ça, c'est obligatoire. Tu fais un péché, tu as l'inconscience, tu te repentis directement. Pourquoi? Car la personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Peut-être que la mort va lui venir à tout moment. Peut-être que la mort va arriver avant qu'il ait le temps de se repentir. Ou avant qu'il ait l'intention de se repentir. Alors, il est obligé de se repentir le plus rapidement possible. Cependant, malgré ceci, hein, si ton repentir est retardé et ensuite il est sincère, Allah l'accepte. Allah l'accepte. Hein, t'as fait un péché il y a 10 ans. Et tu t'es toujours pas repenti de ton péché. Tu regrettes. Alors tu te repens maintenant. Est-ce qu'Allah va le refuser parce que non, ça fait 10 ans, c'est trop tard. Non. Même si tu te repens 10 ans après, Allah t'accepte ton repentir s'il répond aux conditions qu'on a expliquées dans les cours auparavant. Cependant, il est préférable, il est même obligatoire que tu te repentes le plus vite possible. T'as fait un péché. T'en as conscience que t'as fait un péché. Tu te repens directement, avec les conditions qu'on a mentionnées hein, dans les cours précédents. Il reste combien de temps là ? وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة ولكن قد يسأل السائل يقول هل للشمس تطلع من مغربها المعروف أن الشمس تطلع من المشرق فنقول نعم هذا هو المعروف وهذا هو المضطرد منذ خلق الله الشمس إلى يومنا هذا لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة وتطلع من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا كلهم حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه. Et donc, dans ce hadith, il y a également une preuve que le soleil va se lever à l'ouest. Et qu'à ce moment-là, il n'y a plus de tawbah. Là, le repentir, c'est fini. Hein? Mais quelqu'un pourrait demander, est-ce qu'il est possible que le soleil se lève à l'ouest? Ce qui est connu, c'est que le soleil se lève à l'est. On lui dit oui, naam. Hein? Ceci est connu. Hein? car ceci est le système qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour le soleil jusqu'à notre jour, jusqu'à notre époque. Hein? C'est-à-dire que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ça le système qu'Allah a mis en place. Hein? Cependant, à la fin des temps, Allah va ordonner au soleil de retourner d'où il vient. Et il va inverser le sens. Et ça fait que le soleil va se lever à l'ouest. Hein? Et lorsque les gens verront ça, les gens vont voir que le soleil se lève à l'ouest, ils vont tous croire. Ils vont tous croire. Même les mécréants, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les communistes, et tous, ils vont tous croire. Cependant, hein, leur croyance ici ne leur sera de aucune utilité. Ça sera trop tard. كلٌ يتوب أيضاً لكن الذي لم يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته لأن هذه آية يشهدها كل أحد وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان. Et aussi, ils vont tous se repentir à Allah à ce moment-là. Tous, ils vont se repentir à Allah. Cependant, hein, le repentir à ce moment-là, lorsque le soleil va se lever à l'ouest, hein, il ne sera pas accepté. Ce serait trop tard. Hein, car hein, ils vont tous voir, hein, les gens vont voir hein, le signe d'Allah, c'est-à-dire le fait que le soleil se lève à l'ouest. Hein, et quand ils voient hein, les signes précurseurs ou les signes annonciateurs de la fin des temps, hein, ils vont se repentir, ils vont croire. Cependant, à ce moment-là, le repentir ne sera plus accepté et ne va leur profiter en rien, et leur foi ne sera pas acceptée et leur foi ne leur profitera en rien. Bismillah. On fait l'adhan et on termine juste, il reste un tout petit peu, Inch'Allah. Nous terminons très rapidement, Inch'Allah. وَأَمَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَ توبة عبده ما لم يغرغر أي ما لم تسر الروح الحلقوم فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب وأن تقلع عما كنت متلبسا به من المعاصي وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات وتسأل الله قبول توبتك والله الموفق. Quant au hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, hein, et certes Allah accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas aux affres de la mort, hein, c'est-à-dire tant que son âme n'arrive pas au niveau de sa gorge, hein, quand l'âme est en train de sortir. Hein, donc si l'âme est en train de sortir, c'est trop tard. Il n'y a pas de tawbah, il n'y a pas de repentir. Hein. Et les textes, hein, les autres textes du Coran et de la Sunna ont clarifié que si la mort arrive, il n'y a plus de tawbah. Si la personne est sur le point de mourir, c'est fini, il n'y a pas de tawbah, c'est trop tard. La personne est seule en train de mourir, elle ne peut plus faire tawbah, c'est trop tard. Hein. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans son livre « Au sens approché », hein, il n'y a pas de tawbah de repentir pour celui qui a œuvré avec les mauvaises œuvres, hein, lorsque la mort d'un d'entre vous lui parvient. Et il dit, à ce moment-là, je me repens. Hein, il est en train de mourir, il est en train de partir, et il dit, ah, maintenant je me repens. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Hein? Donc, hein, tu dois, oh mon frère musulman, tu te dois de te hâter, de te dépêcher, hein, de mettre tout en œuvre pour te repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des péchés et que tu cesses immédiatement hein, ces péchés ou ces désobéissances dans lesquelles tu es tombé, hein, et que tu fasses hein, les obligations que tu as négligées ou que tu as délaissées et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ton repentir. Et on s'arrête là, inshallah, hein, et on continuera la semaine prochaine avec le reste du chapitre. Jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.